La vie, c'est une drôle histoire. On s'y embarque comme ça pour voir. C'est pas toujours joli, joli. Y a du tangage et du roulis. C'est pourquoi ce soir, ma chérie, je te demande simplement ceci. Fais-moi kiri, kiri, kiri sur le mandrin. Fais-moi kiri, aussi, aussi, comme je t'ai appris. Moi, j'aime bien quand tu me chatouilles. Tu sais si bien faire les papouilles. Fais-moi des petits guilis guilis sur le nombril. L'argent faut pas trop y compter. Il paraît que c'est fait pour rouler. Mais quand je regarde ma feuille de paye, je vois pas beaucoup rouler d'oseille. C'est pourquoi ce soir, ma chérie, je te demande simplement ceci. Fais-moi guilis guilis guilis sur le nombril. Fais-moi un petit guinouzi, guinouzi. Moi j'aime bien quand tu me chatouilles. Tu sais si bien faire les papouilles. Fais-moi des petits guili guili sur le nombril. L'amour a de ses démodés. Faut faire ça en communauté. Mais moi je préfère y goûter à l'écart de la société. C'est pourquoi ce soir, ma chérie, je te demande simplement ceci. Fais-moi guili, guili, guili sur le nombril. Fais-moi des petits guinouzi, guinouzi comme je t'ai appris. Moi j'aime bien quand tu me chatouilles. Tu sais si bien faire les papouilles. Fais-moi des petits guili, guili sur le nombril. Fais-moi guili, guili, guili sur le nombril. Fais-moi des petits gnousi gnousi comme je t'ai appris. Moi j'aime bien quand tu me chatouilles. Tu sais si bien faire les papouilles. Fais-moi des petits gnousi sur le